Je sais bien que vos petits agneaux me trouvent sévère. S'il lisait ces lignes, il dirait que cela n'a pas l'air de me coûter le moins du monde de courir après eux, de leur parler d'un ton sévère en leur montrant leur belle toison salie, ou bien de leur apporter quelques légers flocons de laine qu'ils ont laissés déchirer par les épines du chemin. Les petits agneaux peuvent dire tout ce qu'ils voudront. Dans le fond, ils sentent que je les aime d'un véritable amour. Que jamais je n'imiterai le mercenaire qui, voyant le loup, laisse le troupeau et s'enfuit. Je suis prête à donner ma vie pour eux, mais mon affection est si pure que je ne désire pas qu'ils la connaissent. Jamais, avec la grâce de Jésus, je n'ai essayé de m'attirer leur cœur. J'ai compris que ma mission était de les conduire à Dieu et de leur faire comprendre qu'ici-bas, vous étiez, ma mère, le Jésus visible qu'ils doivent aimer et respecter. Je vous ai dit, mère chérie, qu'en instruisant les autres, j'avais beaucoup appris. J'ai vu d'abord que toutes les âmes ont à peu près les mêmes combats, mais qu'elles sont si différentes d'un autre côté que je n'ai pas de peine à comprendre ce que disait le père Pichon. Il y a bien plus de différence entre les âmes qu'il n'y en a entre les visages. Aussi est-il impossible d'agir avec toutes de la même manière. Avec certaines âmes, je sens qu'il faut me faire petite, ne point craindre de m'humilier en avouant mes combats, mes défaites, voyant que j'ai les mêmes faiblesses qu'elles. Mes petites sœurs m'avouent à leur tour les fautes qu'elles se reprochent et se réjouissent que je les comprenne par expérience. Avec d'autres, j'ai vu qu'il faut au contraire, pour leur faire du bien, avoir beaucoup de fermeté et ne jamais revenir sur une chose dite. S'abaisser ne serait point alors de l'humilité mais de la faiblesse. Le bon Dieu m'a fait la grâce de ne pas craindre la guerre. À tout prix, il faut que je fasse mon devoir. Plus d'une fois, j'ai entendu ceci. Si vous voulez obtenir quelque chose de moi, il faut me prendre par la douceur. Par la force, vous n'aurez rien. Moi, je sais que nul n'est bon juge dans sa propre cause et qu'un enfant auquel un médecin fait subir une douloureuse opération ne manquera pas de jeter les hauts cris et de dire que le remède est pire que le mal. Cependant, s'il se trouve guéri peu de jours après, il est tout heureux de pouvoir jouer et courir. Il en est de même pour les âmes. Bientôt, elles reconnaissent qu'un peu d'amertume est parfois préférable au sucre et ne craignent pas de l'avouer. Quelquefois, je ne puis m'empêcher de sourire intérieurement en voyant quel changement s'opère du jour au lendemain. C'est féerique. On vient me dire « Vous aviez raison hier d'être sévère. Au commencement, cela m'a révoltée, mais après, je me suis souvenu de tout et j'ai vu que vous étiez très juste. Écoutez, en m'en allant, j'en pensais que c'était fini. Je me disais « Je vais aller trouver notre mère et lui dire que je n'irai plus avec ma sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. » Mais j'ai senti que c'était le démon qui m'inspirait cela. Et puis il m'a semblé que vous priiez pour moi. Alors je suis restée tranquille et la lumière a commencé à briller. Mais maintenant, il faut que vous m'éclairiez tout à fait et c'est pour cela que je viens. La conversation s'engage bien vite. Moi, je suis tout heureuse de pouvoir suivre le penchant de mon cœur. En ne servant aucun main à mère. Oui, mais je m'aperçois vite qu'il ne faut pas trop s'avancer. Un mot pourrait détruire le bel édifice construit dans les larmes. Si j'ai le malheur de dire une parole qui semble atténuer ce que j'ai dit la veille, je vois ma petite sœur essayer de se raccrocher aux branches. Alors je fais intérieurement une petite prière et la vérité triomphe toujours. Ah, c'est la prière, c'est le sacrifice qui font toute ma force. Ce sont les armes invincibles que Jésus m'a données. Elles peuvent, bien plus que les paroles, toucher les âmes. J'en ai fait bien souvent l'expérience. Il en est une, entre toutes, qui m'a fait une douce et profonde impression. C'était pendant le carême. Je ne m'occupais alors que de l'unique novice qui se trouvait ici et dont j'étais l'ange. Elle vint me trouver un matin toute rayonnante. « Ah, si vous saviez, me dit-elle, ce que j'ai rêvé cette nuit. J'étais auprès de ma sœur et je voulais la détacher de toutes les vanités qu'elle aime tant. Pour cela, je lui expliquais ce couplet de vivre d'amour. T'aimer, Jésus, quel Père te féconde. Tous mes parfums sont à toi sans retour. Je sentais bien que mes paroles pénétraient dans son âme et j'étais ravie de joie. Ce matin, en m'éveillant, j'ai pensé que le bon Dieu voulait peut-être que je lui donne cette âme. Si je lui écrivais après le carême pour lui raconter mon rêve et lui dire que Jésus l'avait tout à lui. Moi, sans en penser plus long, je lui dis qu'elle pouvait bien essayer, mais avant qu'il fallait en demander la permission à notre mère. Comme le carême était encore loin de toucher à sa fin, vous avez été, mère bien-aimée, très surprise d'une demande qui vous parut trop prématurée. Et certainement inspirée par le bon Dieu, vous avez répondu que ce n'était point par des lettres que les carmélites doivent sauver les âmes, mais par la prière. En apprenant votre décision, je compris tout de suite que c'était celle de Jésus, et je dis à Sœur Marie de la Trinité, « Il faut nous mettre à l'œuvre, prions beaucoup. Quelle joie si à la fin du carême nous étions exaucés. Ô miséricorde infinie du Seigneur, qui veut bien écouter la prière de ses enfants. À la fin du carême, une âme de plus se consacrait à Jésus. C'était un véritable miracle de la grâce, miracle obtenu par la ferveur d'une humble novice. Quelle est donc grande la puissance de la prière? On dirait une reine ayant à chaque instant libre accès auprès du roi et pouvant obtenir tout ce qu'elle demande. Il n'est point nécessaire pour être exaucé de lire dans un livre une belle formule composée pour la circonstance. S'il en était ainsi, hélas, que je serais à plaindre. En dehors de l'office divin, que je suis bien indigne de réciter, je n'ai pas le courage de m'astreindre à chercher dans les livres de belles prières. Cela me fait mal à la tête. Il y en a tant. Et puis elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Je ne saurais les réciter toutes. Et ne sachant laquelle choisir, je fais comme les enfants qui ne savent pas lire. Je dis tout simplement au bon Dieu ce que je veux lui dire, sans faire de belles phrases, et toujours il me comprend. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur. C'est un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour, au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. Je ne voudrais pas cependant, ma mère bien-aimée, que vous croyiez que les prières faites en commun au cœur ou dans les ermitages, je les récite sans dévotion. Au contraire, j'aime beaucoup les prières communes, car Jésus a promis de se trouver au milieu de ceux qui s'assemblent en son nom. Je sens alors que la ferveur de mes sœurs supplée à la mienne. Mais toute seule, j'ai honte de l'avouer, la récitation du chapelet me coûte plus que de mettre un instrument de pénitence. Je sens que je le dis si mal. J'ai beau m'efforcer de méditer les mystères du rosaire, je n'arrive pas à fixer mon esprit. Longtemps je me suis désolée de son manque de dévotion qui m'étonnait, car j'aime tant la Sainte Vierge qu'il devrait m'être facile de faire en son honneur des prières qui lui sont agréables. Maintenant je me désole moins. Je pense que la Reine des Cieux étant ma mère, elle doit voir ma bonne volonté et qu'elle s'en contente. Quelquefois, lorsque mon esprit est dans une si grande sécheresse qu'il m'est impossible d'en tirer une pensée pour m'unir au bon Dieu, je récite très lentement un Notre Père et puis la salutation angélique. Alors ces prières me ravissent, elles nourrissent mon âme bien plus que si je les avais récitées précipitamment une centaine de fois. La Sainte Vierge me montre qu'elle n'est pas fâchée contre moi. Jamais elle ne manque de me protéger aussitôt que je l'invoque. S'il me survient une inquiétude, un embarras, bien vite je me tourne vers elle et toujours, comme la plus tendre des mères, elle se charge de mes intérêts. Que de fois, en parlant aux novices, il m'est arrivé de l'invoquer et de ressentir les bienfaits de sa maternelle protection. Souvent les novices me disent « Mais vous avez réponse à tout. Je croyais cette fois vous embarrasser. Où donc allez-vous chercher ce que vous dites ?» Il en est même d'assez candide pour croire que je lis dans leur âme, parce qu'il m'est arrivé de les prévenir en leur disant ce qu'elles pensaient. Une nuit, une de mes compagnes avait résolu de me cacher une peine qui la faisait beaucoup souffrir. Je la rencontre dès le matin. Elle me parle avec un visage souriant, et moi, sans répondre à ce qu'elle me disait, je lui dis avec un accent convaincu « Vous avez du chagrin. » Si j'avais fait tomber la lune à ses pieds, je crois qu'elle ne m'aurait pas regardé avec plus d'étonnement. Sa stupéfaction était si grande qu'elle me gagna. Je fus un instant saisi d'un effroi surnaturel. J'étais bien sûr de n'avoir pas le don de lire dans les âmes, et cela m'étonnait d'autant plus d'être tombé si juste. Je sentais bien que le bon Dieu était tout près, que sans m'en apercevoir, j'avais dit, comme un enfant, des paroles qui ne venaient pas de moi, mais de lui. Ma mère, bien-aimée, vous comprenez qu'aux novices tout est permis. Il faut qu'elle puisse dire ce qu'elle pense sans aucune restriction, le bien comme le mal. Cela leur est d'autant plus facile avec moi qu'elles ne me doivent pas le respect qu'on rend à une maîtresse. Je ne puis dire que Jésus me fait marcher extérieurement par la voie des humiliations. Il se contente de m'humilier au fond de mon âme. Aux yeux des créatures, tout me réussit. Je suis sur le chemin des honneurs, autant comme cela est possible en religion. Je comprends que ce n'est pas pour moi, mais pour les autres, qu'il me faut marcher par ce chemin qui paraît si périlleux. En effet, si je passais aux yeux de la communauté pour une religieuse remplie de défauts, incapable, sans intelligence ni jugement, il vous serait impossible, ma mère, de vous faire aider par moi. Voilà pourquoi le bon Dieu a jeté un voile sur tous mes défauts intérieurs et extérieurs. Ce voile parfois m'attire quelques compliments de la part des novices. Je sens bien qu'elles ne me les font pas par flatterie, mais que c'est l'expression de leurs sentiments naïfs. Vraiment, cela ne saurait m'inspirer de vanité, car j'ai sans cesse présent à la pensée le souvenir de ce que je suis. Cependant, quelquefois, il me vient un désir bien grand d'entendre autre chose que des louanges. Vous savez, ma mère bien-aimée, que je préfère le vinaigre au sucre. Mon âme aussi se fatigue d'une nourriture trop sucrée. Et Jésus permet alors qu'on lui serve une bonne petite salade, bien vinaigrée, bien épicée, rien n'y manque, excepté l'huile, ce qui lui donne une saveur de plus. Cette bonne petite salade m'est servie par les novices au moment où je m'y attends le moins. Le bon Dieu soulève le voile qui cache mes imperfections. Alors mes chères petites sœurs, me voyant telle que je suis, ne me trouvent plus tout à fait à leur goût. Avec une simplicité qui me ravit, elles me disent tous les combats que je leur donne, ce qui leur déplaît en moi. Enfin, elles ne se gênent pas davantage que s'il était question d'une autre, sachant qu'elles me font un grand plaisir en agissant ainsi. Ah vraiment, c'est plus qu'un plaisir. C'est un festin délicieux qui comble mon âme de joie. Je ne puis m'expliquer comment une chose qui déplaît tant à la nature peut causer un si grand bonheur. Si je ne l'avais expérimenté, je ne pourrais le croire. Un jour que j'avais particulièrement désiré être humiliée, il arriva qu'une novice se chargea si bien de me satisfaire qu'aussitôt je pensais à Sémei maudissant David, et je me disais « Oui, c'est bien le Seigneur qui lui ordonne de me dire toutes ces choses. » Et mon âme savourait délicieusement la nourriture amère qui lui était servie avec tant d'abondance. C'est ainsi que le bon Dieu daigne prendre soin de moi. Il ne peut toujours me donner le pain fortifiant de l'humiliation extérieure, mais de temps en temps il me permet de me nourrir des miettes qui tombent de la table des enfants. Ah, que sa miséricorde est grande, je ne pourrais la chanter qu'au ciel. Mère bien-aimée, puisqu'avec vous j'essaye de commencer à chanter sur la terre cette miséricorde infinie, je dois vous dire encore un grand bienfait que j'ai retiré de la mission que vous m'avez confiée. Autrefois, lorsque je voyais une sœur qui faisait quelque chose qui me déplaisait et me paraissait irrégulier, je me disais « Ah, si je pouvais lui dire ce que je pense, lui montrer qu'elle a tort, que cela me ferait de bien. » Depuis que j'ai pratiqué un peu le métier, je vous assure, ma mère, que j'ai tout à fait changé de sentiment. Lorsqu'il m'arrive de voir une sœur faire une action qui me paraît imparfaite, je pousse un soupir de soulagement et je me dis « Quel bonheur, ce n'est pas une novice, je ne suis pas obligée de la reprendre. » Et puis bien vite, je tâche d'excuser la sœur et de lui prêter de bonnes intentions qu'elle a sans doute. « Ah, ma mère, depuis que je suis malade, les soins que vous me prodiguez m'ont encore beaucoup instruite sur la charité. Aucun remède ne vous semble trop cher, et s'il ne réussit pas, sans vous lasser, vous essayez autre chose. Lorsque j'allais à la récréation, quelle attention ne faisiez-vous pas à ce que je sois bien placée à l'abri des courants d'air? Enfin, si je voulais tout dire, je ne terminerai pas. » En pensant à toutes ces choses, je me suis dit que je devais être aussi compatissant pour les infirmités spirituelles de mes sœurs que vous l'êtes ma mère chérie en me soignant avec tant d'amour. J'ai remarqué, et c'est tout naturel, que les sœurs les plus saintes sont les plus aimées. On recherche leur conversation, on leur rend des services sans qu'elles le demandent. Enfin, ces âmes capables de supporter des manques d'égard, de délicatesse se voient entourées de l'affection de toutes. On peut leur appliquer cette parole de notre Père Saint Jean de la Croix. Tous les biens m'ont été donnés quand je ne les ai plus recherchés par amour propre. Les âmes imparfaites, au contraire, ne sont point recherchées. Sans doute on se tient à leur égard dans les bancs de la politesse religieuse, mais craignant peut-être de leur dire quelques paroles peu aimables, on évite leur compagnie. En disant « les âmes imparfaites », je ne veux pas seulement parler des imperfections spirituelles, puisque les plus saintes ne seront parfaites qu'au ciel. Je veux parler du manque de jugement, d'éducation, de la susceptibilité de certains caractères, toutes choses qui ne rendent pas la vie très agréable. Je sais bien que ces infirmités morales sont chroniques. Il n'y a pas d'espoir de guérison, mais je sais bien aussi que ma mère ne cesserait pas de me soigner, d'essayer de me soulager si je restais malade toute ma vie. Voilà la conclusion que j'en tire. Je dois rechercher en récréation, en licence, la compagnie des sœurs qui me sont le moins agréables, remplir près de ces âmes blessées l'office du bon samaritain. Une parole, un sourire aimable suffisent souvent pour épanouir une âme triste. Mais ce n'est pas absolument pour atteindre ce but que je veux pratiquer la charité, car je sais que bientôt je serai découragée. Un mot que j'aurais dit avec la meilleure intention sera peut-être interprété tout de travers. Aussi, pour ne pas perdre mon temps, je veux être aimable avec tout le monde, et particulièrement avec les sœurs les moins aimables, pour réjouir Jésus et répondre aux conseils qu'il donne dans l'Évangile, à peu près en ces termes. Quand vous faites un festin, n'invitez pas vos parents et vos amis, de peur qu'ils ne vous invitent à leur tour et qu'ainsi vous ayez reçu votre récompense. Mais invitez les pauvres, les boiteux, les paralytiques, et vous serez heureux de ceux qui ne pourront vous rendre, car votre Père qui voit dans le secret vous en récompensera. Quel festin pourrait offrir une carmélite à ses sœurs, si ce n'est un festin spirituel composé d'une charité aimable et joyeuse? Pour moi, je n'en connais pas d'autre et je veux imiter Saint Paul qui se réjouissait avec ceux qu'il trouvait dans la joie. Il est vrai qu'il pleurait aussi avec les affligés, et les larmes doivent quelquefois paraître dans le festin que je veux servir. Mais toujours, j'essaierai qu'à la fin, ces larmes se changent en joie, puisque le Seigneur aime ceux qui donnent avec joie. Je me souviens d'un acte de charité que le bon Dieu m'inspira de faire, étant encore novice. C'était peu de choses, cependant notre Père qui voit dans le secret, qui regarde plus à l'intention qu'à la grandeur de l'action, m'en a déjà récompensé, sans attendre l'autre vie. C'était du temps que sœur Saint-Pierre allait encore au réfectoire et au chœur. À l'oraison du soir, elle était placée devant moi. 10 minutes avant 6 heures, il fallait qu'une sœur se dérange pour la conduire au réfectoire, car les infirmières avaient alors trop de malades pour venir la chercher. Cela me coûtait beaucoup de me proposer pour rendre ce petit service, car je savais que ce n'était pas facile de contenter cette pauvre sœur Saint-Pierre qui souffrait tant qu'elle n'aimait pas à changer de conductrice. Cependant, je ne voulais pas manquer une si belle occasion d'exercer la charité, me souvenant que Jésus avait dit « Ce que vous ferez au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. » Je m'offris donc bien humblement pour la conduire. Ce ne fut pas sans mal que je parvins à faire accepter mes services. Enfin, je me mis à l'œuvre et j'avais tant de bonne volonté que je réussis parfaitement. Chaque soir, quand je voyais ma sœur Saint-Pierre secouer son tablier, je savais que cela voulait dire « partons ». C'est incroyable comme cela me coûtait de me déranger, surtout dans le commencement. Je le faisais pourtant immédiatement. Et puis, toute une cérémonie commençait. Il fallait remuer et porter le banc d'une certaine manière, surtout ne pas se presser. Ensuite, la promenade avait lieu. Il s'agissait de suivre la pauvre infirme en la soutenant par sa ceinture. Je le faisais avec le plus de douceur qu'il m'était possible. Mais si par malheur elle faisait un faux pas, aussitôt il lui semblait que je la tenais mal et qu'elle allait tomber. « Ah, mon Dieu, vous allez trop vite, je vais me briser !» Si j'essayais d'aller encore plus doucement. « Mais suivez-moi donc. Sans plus votre main, vous m'avez lâché, je vais tomber. » « Ah, j'avais bien dit que vous étiez trop jeune pour me conduire. » Enfin, nous arrivions sans accident au réfectoire. Là survenaient d'autres difficultés. Il s'agissait de faire asseoir sœur Saint-Pierre et d'agir adroitement pour ne pas la blesser. Ensuite, il fallait relever ses manches, encore d'une certaine manière, puis j'étais libre de m'en aller. Avec ses pauvres mains estropiées, elle arrangeait son pain dans son godet, comme elle pouvait. Je m'en aperçus bientôt, et chaque soir je ne la quittais qu'après lui avoir encore rendu ce petit service. Comme elle ne me l'avait pas demandé, elle fut très touchée de mon attention. Et ce fut par ce moyen, que je n'avais pas cherché exprès, que je gagnais tout à fait ses bonnes grâces. Et surtout, je l'ai su plus tard, parce que, après avoir coupé son pain, je lui faisais avant de m'en aller mon plus beau sourire. Ma mère bien-aimée, peut-être êtes-vous étonnée que je vous écrive ce petit acte de charité passé depuis si longtemps. Ah, si je l'ai fait, c'est que je sens qu'il me faut chanter à cause de lui les miséricordes du Seigneur. Il a daigné m'en laisser le souvenir, comme un parfum qui me porte à pratiquer la charité. Je me souviens parfois de certains détails qui sont pour mon âme comme une brise printanière. En voici un qui se présente à ma mémoire. Un soir d'hiver, j'accomplissais comme d'habitude mon petit office. Il faisait froid. Il faisait nuit. Tout à coup, j'entendis dans le lointain le son harmonieux d'un instrument de musique. Alors je me représentais un salon bien éclairé, tout brillant de dorures. Des jeunes filles élégamment vêtues, se faisant mutuellement des compliments et des politesses mondaines. Puis mon regard se porta sur la malade que je soutenais. Au lieu d'une mélodie, j'entendais de temps en temps ses gémissements plaintifs. Au lieu de dorures, je voyais les briques de notre cloître austère, à peine éclairées par une faible lueur. Je ne puis exprimer ce qui se passa dans mon âme. Ce que je sais, c'est que le Seigneur l'illumina des rayons de la vérité, qui surpassèrent tellement l'éclat ténébreux des fêtes de la terre que je ne pouvais croire à mon bonheur. Ah, pour jouir 1000 ans des fêtes mondaines, je n'aurais pas donné les 10 minutes employées à remplir mon humble office de charité. Si déjà dans la souffrance au sein du combat, on peut jouir un instant d'un bonheur qui surpasse tous les bonheurs de la terre, en pensant que le bon Dieu nous a retirés du monde, que sera-ce dans le ciel lorsque nous verrons, au sein d'une allégresse et d'un repos éternel, la grâce incomparable que le Seigneur nous a faite en nous choisissant pour habiter dans sa maison, véritable portique des cieux. Ce n'est pas toujours avec ces transports d'allégresse que j'ai pratiqué la charité, mais au commencement de ma vie religieuse, Jésus voulut me faire sentir combien il est doux de le voir dans l'âme de ses épouses. Aussi, lorsque je conduisais ma sœur Saint-Pierre, je le faisais avec tant d'amour qu'il m'aurait été impossible de faire mieux si j'avais dû conduire Jésus lui-même. La pratique de la charité ne m'a pas toujours été si douce, je vous le disais à l'instant, ma mère chérie. Pour vous le prouver, je veux vous raconter certains petits combats qui certainement vous feront sourire.